Page arrachée au Voyage du comte d'Authière d'André Suarez. Premier livre, Vers Venise. Extrait. Le Voyage du comte d'Authière d'André Suarez, poète et essayiste français né en 1868, mort en 1948, regroupe trois grands livres consacrés exclusivement à l'Italie. Vers Venise, publié en 1910, Fiorenza et Sienne la bien-aimée, publié au début des années 1930, qui dressent des portraits divers, à charge ou à décharge, de villes, de villages, de paysages, d'œuvres d'art, de personnages historiques, de personnes de rencontre ou même de foules et de populations à l'occasion. Aujourd'hui, deuxième étape du voyage vers Venise, avec une évocation de Milan, de la campagne lombarde et de Mantoue, ville honnie. Léonard à Milan. La Seine à Sainte-Marie-des-Grâces. Un grave couloir à la porte d'une sacristie. Un cloître aux arcades longues. Enfin, le réfectoire, où un tel aliment est servi pour les siècles. Sur le mur du fond, bas et large, la fresque. Une lumière bleue flotte sous la voûte et la muraille peinte n'en paraît que plus sombre et plus lointaine. Mais chacun y retrouve ce qu'il connaît déjà et l'image la plus illustre de l'Italie. Que d'autres se plaignent de n'y plus rien voir. La beauté de cette fresque est surtout qu'elle s'efface. Elle n'est point sur le mur. Elle est un rêve de l'ombre sur ma propre muraille. Une tapisserie que le songe intérieur a tissue. Quand un nuage voile la lumière du jour, la scène de Léonard n'est plus elle-même qu'un voile, tendu par le crépuscule, sur le fond de la nuit. Tout ce qu'on montre dans cette salle, les cartons du Vinci, les copies anciennes, tout ce qui prétend aider l'esprit à ressusciter l'œuvre à demi-morte, m'indispose et me blesse. Mais quoi ? Les maîtres de la pensée ne sont plus faits, dorénavant, que pour enseigner les passants et leur servir d'école. Voici l'un des lieux du monde où l'on apprend le dégoût de la gloire. On est puni de l'avoir obtenue, voyant à qui elle vous livre en proie. Presque toujours, on reçoit de ceux à qui l'on plaît le juste châtiment d'avoir pu leur plaire. L'admiration de cette foule me pèse. Bavard et faisant voile de gestes vers le port de l'enthousiasme, il s'extasie à ce qu'il déplore de ne point voir. J'aime pourtant cette salle étroite et longue. Sa voûte aiguë garde bien l'ombre. Je chasse enfin de ma pensée, je chasse de mes yeux la cohue qui l'importune. Je me rends sourd à ce guillery de moineaux voyageurs et je prête l'oreille à la confidence mystérieuse du Vinci. Heureuse donc, la fresque où Léonard donnait chaque jour un coup de pinceau médité pendant une semaine. Heureuse de s'être si tôt évanouie et peu à peu de disparaître avec pudeur. La couleur pour nous n'en eût pas été belle. Toutes les œuvres de Léonard ont perdu à ce qu'il les achève. Elles sont noires, et le noir est le deuil de la vie. Il y a mis trop de science. C'était y insinuer la mort. Si elle ne dure, qu'est-ce que la lumière ? Plus que personne en Italie, Léonard a poursuivi la lumière. Plus que personne, il a cru la saisir, et pensant l'avoir prise entre ses mains, elle s'est évanouie. Léonard a voulu peindre la scène suprême et capitale en vérité, dans la tragédie d'un dieu. Il fallait qu'une telle heure vînt pour le sauveur du monde, et il fallait que la pleine intelligence d'un homme choisît cette heure entre toutes les autres afin de s'y mesurer. Mais l'intelligence tente en vain une action divine. Elle fait la preuve de sa force en y échouant, sans doute, car jamais elle n'y suffit. Autour de la table, le grand Léonard a donc assis Jésus et les apôtres. Pour la dernière fois, celui qui s'offre en sacrifice à tous les hommes rompt le pain avec ses disciples. Ils sont tous les 12, ceux qui l'ont aimé, et l'autre qui n'a point de nom, puisqu'on veut qu'un peuple entier le nomme, et qui n'a point désobéi à son maître en le trahissant, puisqu'il fallait enfin qu'il le trahît. Or, Jésus vient de leur révéler l'horrible secret de sa mort, qui est le prix de leur vie. En vérité, l'un de vous va me trahir. Et c'est comme si Jésus disait qu'il le doit. Tous alors, qui ne doivent leur salut qu'à ce crime des crimes, s'agitent devant Jésus. Ils s'indignent. Tous, ils font des gestes. Ils lèvent tous la main, parfois les deux. Ils montrent, chacun, son âme du doigt, et chacun y met son honnête rhétorique. Mais pas un d'eux n'a peur. Pas un n'a seulement l'air de se douter que Jésus connaît leur innocence, mieux qu'ils ne la connaissent, et que leur Dieu, l'ayant faite, n'a pas besoin d'en être averti par ceux qu'il en a doués. À pas un de ces heureux, le soupçon ne semble poindre que le bonheur de leur innocence a pour rançon la misère inexprimable du crime. Et lui-même, l'épouvantable Judas, n'a que le geste de l'avare démasqué. Le recul ignoble du scélérat prit la main sur le sac. Pas un, pas même lui, ne montre la stupeur du précipice. Ils ne connaissent pas le vertige, ni même la séduction de l'abîme. Pas un d'eux ne s'étonne de n'avoir pas été choisi pour victime. Ils n'ont pas l'épouvante du danger éternel où ils échappent. Et chacun d'eux, ne pensant qu'à soi, ne désigne pauvrement que soi. Je vois pourquoi Léonard de Vinci, pendant des journées entières et des années durant, épiait les coquins et les fourbes au carrefour. Je dis aussi les honnêtes gens. Il y cherchait Judas et les apôtres. Mais il ne les y a pas plus trouvés que le Christ. C'était en lui qu'il fallait les prendre. Et il n'y était pas. Au faubourg, il ne rencontrait que des hommes, et médiocres, même les scélérats. Tous les hommes ne sont point propres à une pièce divine. C'est pourquoi Léonard a forcé le trait, pour qu'ils eussent du style. Ils jouent ce qu'ils doivent être, ils ne le sont pas. Ils gesticulent. Ils n'ont d'âme que le mouvement que le peintre leur donne. Un jeu de 2 x 12 mains supplé à la grande tragédie. On dirait de muets assemblés qui parlent avec leurs doigts et qui grimacent. La caricature perce sous les visages. L'admirable intelligence de Léonard n'a pas su le défendre d'outrer son propre sentiment. Il cède au goût de sa nation pour le spectacle. La ravissante qualité de son jugement le garde des fausses notes, mais non d'enfler la note juste. Non, ces gens-ci ne sont point les simples héros d'une tragédie divine. Ils y figurent en comparses, et si beaux soient-ils quelques-uns, ils font du bruit. Ils n'ont pas le frémissement silencieux de la passion et de la vie. La scène exigeait un calme sublime que cette œuvre n'a pas. Elle n'a que des sens et manque la profondeur, n'ayant pas le silence. La seule œuvre où Léonard ait mis beaucoup d'action est la seule dont le drame intérieur répugnait à tous les gestes. Ainsi, le plus intelligent des artistes ne touche pas le point suprême ni la suprême convenance de l'esprit. Terre de Virgile. Le printemps en Lombardie. La treille est suspendue au portique, devant l'entrée. La vigne étend ses 100 bras aux veines brunes, tel un monstre tutélaire, la pieuvre pacifique de la terre au printemps. Elle pétille de bourgeons. Le soleil joue aux billes avec ses têtes jaunes. Dans le mur d'angle, une petite niche en pleine lumière où la Madone sourit, l'enfant sur la main. Un bouquet de fleurs courtes est placé contre ses pieds avec une petite lampe à huile dans un vase de cuivre. Le bambin bleu touche du doigt le sein de sa mère et la Vierge en robe rose porte une couronne d'or sur l'oreille. Les feuilles poussent à vue d'œil entre les heureuses colonnes cannelées de soleil. Une odeur de myrte et de citron passe dans l'air en dépit du purin et des choux aigres. N'est-ce pas les bourgeons que l'on entend s'ouvrir et qui crépitent ? Certes, ces tendres feuilles ne faisaient pas l'étoile tout à l'heure sur la colonne quand je passais pour la première fois. La ruine, si c'en est une, donne à ces pauvres maisons une dignité de temple et une sorte d'apprêt. La nature au soleil parle de bonheur et les paisibles colonnes y répondent par une affirmation. Sans beauté, sans ordre même, pareil à tous les autres, cet humble village dans la plaine s'enveloppe de sérénité. Un accordéon nasillard scande les temps d'une mélodie immuable. On entend un chant rythmé et fort, aux lentes voyelles qui planent, 2 voix de femme et 1 voix d'homme aiguë. Dans le loin, par la campagne, vont et viennent des hommes blancs, un large chapeau sur la nuque, des femmes jaunes et rouges, comme des giroflées. Ils se meuvent sans hâte, et lentement, à l'horizon, sur le canal, une barque glisse, comme si elle suivait le champ. Des laboureurs grattent la terre, passent quelques paysans de bronze, aux cheveux bouclés, les yeux luisants dans la face brune. Ils rient en parlant. Ils n'ont pas les traits morts et leur visage n'est pas farouche. Un d'eux cueille une rose au buisson. Un enfant presque nu court à la rencontre de son père. Il a la joue chaude, comme une mûre à midi sur la haie, et ses petites jambes ont l'élégance d'un fuseau de buis. Le parfum des roses au soleil se mêle à l'odeur de l'ail et de l'huile. Les sereines colonnes se profilent sur le ciel et les entablements ont la rigueur de l'évidence. On chante. Et si je me demande avec une sorte d'envie amoureuse, est-ce bien elle ? Tout répond une fois encore, oui, c'est elle. C'est la terre de Virgile. Tantus amor terrae. Et sur la plaine et le canal, sur les lignes de saules et les rives herbeuses, pareil à la paix immuable d'un œil de cristal, c'est le ciel de l'églogue, à l'infini. Une lumière si égale, si adamantine et si pure que, pour l'œil atlantique, elle est sans nuance et qu'on se persuade, au lieu où elle règne, qu'il n'y a pas de nuit. Miséra plebs. À Mantoue, en temps de grève. Quelle ville pour la guerre et les sièges, pour les pestes qui suivent les assauts et les blocus où l'on meurt de faim au fond des caves. Aujourd'hui, la paix a ses victimes. Le paysan et l'ouvrier agricole font, sur ces terres inondées, une classe de prolétaires parmi les plus misérables de l'Europe. Ils l'ignoraient hier, ils ne l'ignorent plus, ils ont cessé de se résigner, ils sont sortis de geôle. La grande propriété règne absolument sur le pays. Elle condamne à mort, elle bloque l'ouvrier de la terre. Elle l'enferme dans les prisons de la famine et de la fièvre. Les paysans ne sont plus que des ouvriers, serfs de la glèbe. Ils ne possèdent rien et la tenure les tient à la gorge. Ce pauvre peuple, des plus durs à la peine et des plus malmenés qu'il y ait au monde. Ces paysans défrichent dans les marais, ils bêchent dans l'eau. Terrassiers d'un sol inondé qu'ils drainent en même temps qu'ils le retournent, ils respirent la vase et ils irriguent la boue. À demi-artisans, laboureurs du maïs et du riz, ils crèvent de jeûne, ils se consument de privations. Ils sont chargés de famille, les enfants naissent dans la fièvre et croissent dans la fièvre, et ceux qui ne sont pas malades ont toujours faim. La pélagre les épuise. Tous patients à miracle. Tous pleins de respect jusqu'ici pour les maîtres de la terre et la race divine des riches qui se nourrit de viande et de pain blanc. Puis, quand ce peuple si soumis, si prodigue de sa sueur, si docile au destin, quand ce peuple perd patience, alors ils perdent aussi le sens. Ils deviennent fous, soudain. Ils ne voient plus que l'objet de leur rage et celui de leur désir. Ils se ruent à la guerre sociale, à l'incendie, au meurtre. Ils sont les mêmes qui ont suivi Spartacus et toutes les révoltes d'esclaves. Mais on ne domptera plus les serfs avec les légions, parce que dans les légions, il n'y a que les serfs qui servent. La force du maître, c'est la volonté de servir dans l'esclave. La force de l'esclave, c'est la haine du service. En un sens, la haine délivre. Elle enchaîne les maîtres et délie les opprimés. Le pays est soumis aux lois les plus rudes et les plus propres à engendrer la haine dans le ventre goulu de la misère. Toute la terre est aux mains de quelques grands possesseurs qui font gérer d'immenses domaines par des régisseurs durs et âpres. Le travail est fourni par la plèbe agraire au salaire strict de la faim. Ils donnent leur vie pour recevoir la pâtée qui les empêche seuls de la perdre. Les prêtres sont nombreux et puissants dans la province, servis étroitement par les riches qu'ils servent. Haïs depuis peu, redoutés et moqués de la plèbe qu'ils ont seuls tenue en bride et qui, leur échappant, doit se soustraire à toute contrainte désormais. Rien, jamais, n'encapuchonne plus la force révélée du nombre. Le faucon est décoiffé. le vieux levain de la haine agraire est aussi ancien que la propriété en Italie. Ici, ils n'attendaient que les gracques pour faire fermenter la pâte dont ils se pourrissent le sang. Comme le droit féodal a pour rempart l'Église, la plèbe socialiste se fonde sur la morale antique. À Mantoue, on est païen. Les mâles paganisent. 10 fois, je reconnais l'esclave romain. Ce matin, j'ai cru la ville morte. Tout le peuple se pressait autour des tribuns socialistes. Puis, ayant tenu leur comice, ils se sont répandus sur les places. Comme d'un pâté trop cuit, noir et jaune, en bandes frémissantes de rats, les hommes, une foule, sortent d'une maison aux murailles de grasse croûte, où ils viennent d'entendre l'orateur de la révolte et de l'espoir, la parole selon leur cœur, celle qui connaît leur misère et qui en sait le remède. Avec une sorte de joie, je m'effraie de saisir ces visages. Les plus pâles, les plus verts de jeûne ont une lueur. Ils sont ardents, pleins de foi. Ils discutent, ils répètent des mots, ils font des gestes vifs, ils vivent. Ils sentent fort le tabac, les hardes et le bouc. La fureur même de l'envie avait illuminé leurs regards. Une étincelle brillait à leurs tempes sèches et leurs os de bêtes de somme semblaient cirés par la sueur. La vie, enfin, qui est l'espérance même et la volonté de ne point faire naufrage, allumait des charbons dans ses yeux, prunelles naïves, pleines de violence et d'élan au bonheur. Tel devait être le peuple de l'an 1000, au sortir de l'église, quand on lui avait parlé du ciel, de la vie heureuse en paradis, devant Dieu et ses saints. Ceux-là brûlent aussi. Ils ont besoin qu'on les délivre. Ils ont soif de bien, car en vérité, ils souffrent de grands maux. Lentement, rongés par la maladie, ils vont à la file, dans la rue. Les deux maladies du pays sont tares de pauvres. L'une est le mal-air, venu des marais, et l'autre la pélagre, qu'on appelle là-bas le mal de misère, qui vient du maïs gâté, fond de leur nourriture. Je ne puis distinguer d'abord les pélagreux des malarins. Tous, ils portent le masque de la fièvre et les stigmates de l'anémie profonde. Ils sont hâves, verts, défaits, les lèvres jaunes, les plis du visage marqués d'ocre et de gris, comme aux pouces frottés dans la mine de plomb, ils ont la peau de l'argile qui sèche. Beaucoup, qui semblent plus malades et plus ruinés encore, ont du feu sur les joues, au front, aux mains, partout où la peau est nue, des plaques rouges. Je crois voir qu'ils ont perdu leurs poils. 2 ou 3 ont les sourcils pelés, et plusieurs, un air égaré, comme des fous qui courent après leurs rêves. C'est un peuple souffrant. Dans les rues, longeant les arcades, il coudoie une autre nation rebelle, une tribu au long nez fin, transparent, en arête. Là aussi, le ferment juif précipite l'action, levure ardente. Beaucoup d'Israélites sont fixés à Mantoue depuis des siècles, et d'abord, on ne les sépare pas des autres Mantouans. Dans toute famille, peut-être, il y en eut ou il y en a. Je sais qu'ils sont entrés dans la maison la plus illustre du pays. On les reconnaît de plus près, on les discerne. Des enfants hardis et loqueteux, arrogants et blêmes, m'envisagèrent droit sous le nez. 2 étaient très beaux, des frères sans doute, l'œil bleu pétillant d'esprit. Mais les autres, laids, sales, suant la vanité à plein port, trop faits, l'air de savoir la vie, me dégoûtèrent. Obstinés à suivre mes pas, gluants, avides de plaire et, s'ils ne plaisent pas, prêts à se venger par une amère raillerie. Et leurs parents, sur le pas des portes, au coin des ruelles, les baisent avec transport. Ces pauvres en guenilles cachent la révolte dans leurs manches. Leurs bras maigres annoncent avec force les temps nouveaux, et les temps sont toujours proches pour ceux qui veulent croire. L'esprit d'anarchie qui empêche la plèbe de ronfler dans l'église socialiste, souffle la flamme sur Mantoue. Ces paysans italiens ont l'éloquence que le Nord ne connaîtra jamais. Ils ont le sang qui ose. Et s'ils s'endorment, l'ironie juive les réveille, cette ironie si riche de sens humain. Ainsi, le peuple se grouille, comme les germes et les insectes, le soir, dans toutes les moyères hérissées de roseaux tristes. J'ai lu leur journal. Ils méritent la victoire. Seul il a une valeur morale dans ce pays rongé par les mauvais riches et qui porte le capuchon hypocrite de la doctrine. Qu'est-ce que la vertu, sinon ce qu'on vaut pour la vie? Les marécages du Minchio n'ont pas détrempé toute l'ardeur de cette ville. Mantoue me semble à souhait pour la rébellion et la bataille des rues. Elle ne revivra que dans l'incendie et dans le sang. Ou bien, sans combat, l'ancien ordre tombera en miettes avec les maisons. La ville s'enfonce et le peuple se lève. Zibibbi, Ilaria del Caretto. La toute jeune femme de Paolo Guinigi, tyran de Luc, vient de mourir. On ne sait pas de quoi. Si le marbre n'était toujours exsangue, je dirais qu'elle a perdu tout son sang. Charmante créature, elle est longue. Longue comme une aiguille. Mince, fine et svelte. Couchée bien sagement et toute droite, sa robe et son manteau sont d'une étoffe trop lourde pour elle. Ce poids la retient. Sans quoi, cette jeune femme se relevant reprendrait sa démarche longue et légère. Mais elle dort bien profondément et ne se réveillera pas. La joue lisse et droite, le nez bref et droit, son long visage maigre ne sourit guère. Ou plutôt, il laisse transparaître le sourire intérieur, là d'être si loin peut-être, la lumière sous la porcelaine de la veilleuse. Ilaria del Caretto sourit en dedans à une douceur inconnue. L'arête de son beau petit menton souffrant et volontaire est bien posée sur le haut col, en forme de calice, du manteau fermé. Elle avait froid. Les plis se confondent avec ceux de la robe, et les pieds cachés, appuyés sur un fidèle petit chien couché contre la plante, relèvent la courbe de la vague à jamais fixée. Robe de la jeune femme, crête d'écume au flot de la vie, glycine palpitante de la chair heureuse, de la forme chaude et parfumée. L'onde ici est arrêtée pour jamais de la chair, de la forme et de la robe noblement ornée. Jacopo della Quercia, siennois, a taillé cette image comme la jeune femme était à peine morte. Il avait alors 27 ou 28 ans. La grâce siennoise vivait encore en lui. Plus tard, il l'a perdue dans l'imitation de la fausse grandeur, à l'antique. Car l'âme du Moyen-Âge, le plus souvent, n'abdique pas en faveur de la beauté grecque. La Renaissance n'a pas connu la véritable antiquité. Le tombeau où Ilaria del Caretto repose, quoique de belles proportions, est romain dans toutes ses parties. Cinq petits anges, plutôt pareils à de gras amours mous et dodus, se touchent par le bout des ailes et font ainsi une quintuple accolade. Ils tiennent d'énormes guirlandes dans le goût des couronnes qui pèsent sur les arcs de triomphe. Elles sont déjà faites de la même immortelle et des mêmes lauriers mortuaires. On s'extasie là-devant. Dans cette œuvre, toute la beauté est de ce qui va disparaître, la noblesse et la pureté de la figure. L'esprit est inclus à la pierre et ne l'a pas déserté encore. Le reste annonce la pompe de la Renaissance et sa virtuosité. Plus ils seront habiles et plus les artistes seront virtuoses. Moins ils auront à dire, et plus ils le diront avec éloquence. L'abondance et le faste leur seront une autre nature. L'ornement tue la simplicité. Il en est le bourreau, dès l'origine. Les passants admirent dans ce tombeau le premier des mille et mille monuments semés dans toute l'Europe depuis 500 ans, et qu'on refait encore dans le même goût et le même esprit. Cependant, Ilaria del Caretto donne en silence son sourire intérieur et la fleur coupée de sa vie à une caresse inconnue. C'était Page arrachée au voyage du condottiere d'André Suarez. Premier livre, Vers Venise. Extrait. Texte dit par Nicolas Racca. Groupe de réalisation, Clémence Grosse, Marie Lepeintre, Élodie Royer, Étienne Vallès. Voyage du condottiere d'André Suarez est publié aux éditions Granit.